Levantar veut dire soulever, lever, hein? Levantar, pensez au levant, hein? C'est là où le soleil se lève. Hein? Donc, levantar, lever, soulever. Et, comme en français, il existe le verbe se lever. Donc, je me lève tard se dira... Me levanto tard, de... Me levanto tarde, hein? Je me lève tard, oui. Pour dire nous nous levons tard, c'est nos... Nos levantemos. Quel est le verbe levan... Attention au V et au B. Levantar. Bien, levantar. Hein? Alors, nous soulevons, hein? Nous levons. Levantamos. Levantamos, c'est ça. Et donc, nous nous levons tard. Nos. Nos levantamos tarde. D'accord. Hein? Nos levantamos tarde. Nous nous levons tard. Nos levantamos tarde. Si vous voulez dire tu te lèves tard, ça sera te. Te. Te, oui, te. Levantas. D'accord. Te levantas. Tarde. Te levantas tarde. Hmm? À quelle heure est-ce que tu te lèves? À quelle hora te levantas? Bien. À quelle hora te levantas? Hmm? Et maintenant, pour dire ce, c'est la même chose qu'en français. C'est se. S-E. Alors, comment dira-t-on par exemple il se lève au singulier? Se levanta. Bien, se levanta. Et à quelle heure vous levez-vous? En espagnol, ce se sert aussi pour le vous de politesse, singulier ou pluriel. Donc, à quelle heure vous levez-vous? Usted, hein? A qué hora? D'accord. A qué hora se levanta? Bien. A qué hora se levanta? Et si vous posez la même question à ustedes, à quelle heure vous levez-vous? A qué hora se levantan? Bien. A qué hora se levantan? Hein? Là encore, on emploie se. Tôt se dit temprano. Hein? Temprano. Alors, comment direz-vous il? Ou elle, au pluriel, se lève tôt. Se levantan. Quelle syllabe devez-vous accentuer à l'oral? Se levantan. D'accord. Hein? Se levantan. Il ou elle se lève. Tôt. Temprano. Temprano. Hein? Se levantan temprano. Et comment direz-vous... Aujourd'hui, je veux me lever tôt. Hoy, voy a... Bien, me lever. Levantar, me. D'accord, mais ça s'écrit en un seul mot, hein, tout attaché. Levantar, me. D'accord, hein, voy a levantar, me, tôt. Temprano, hein, temprano, hein, ça c'est tôt. Temprano. Donc, hoy voy a levantarme temprano. Et je dois me lever. Tengo que levantarme. C'est ça. Tengo que levantarme. Et comment direz-vous nous allons nous lever? Nous allons. Vamos. Très bien. Donc, vamos, hein, nous allons, et nous allons nous lever. Vamos a levantar... Levantarnos. Levantarnos. Levantarnos. Hein? Le nous de nous lever se dit nos. Hein? C'est le même pronom nos que dans nos levantamos, hein, que nous avons déjà vu. Mais là, comme le verbe est à l'infinitif, le pronom va à la fin. Donc, encore une fois, nous lever, littéralement, lever nous, c'est... Levantarnos. D'accord. Hein? Donc, vamos a levantarnos. Nous allons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons... Tenemos. Bon, revenons au verbe tener. Hein? Tenemos, c'est nous avons. Mais nous devons, c'est-à-dire nous avons à, il faut que nous, c'est tenemos. Bien. Alors, comment dit-on j'ai? Tengo. Tengo. Et je dois me lever. Tengo que. Tengo que. Hein? Donc, je dois me lever. Tengo que. Levantarme. D'accord. Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Maintenant, dites-moi, nous devons nous lever. Tenemos que. C'est ça. Hein? Tenemos que. Hein? Tenemos que nous lever. Levantarmos. Levantar. Levantarnos. C'est ça. Hein? Levantarnos. Nous lever. Alors, redites-le. Tenemos. Nous devons. Tenemos que levantarnos. Levantarnos. Donc, tenemos que. Tenemos que, nous devons, levantarnos, nous lever. Tenemos que levantarnos. Alors, par exemple, à quelle heure devons-nous nous lever? À quelle heure devons-nous nous lever? Tenemos que. Tenemos que. Levantarnos. Levantar. Levantar. Levantarnos. D'accord. Hein? ¿A qué hora tenemos que levantarnos?